Chapitre 24e, la sinistre maison. Mais dès maintenant, la conviction de Paulin Broquet se trouvait fermement établie. C'était dans la Chinatown qu'il fallait chercher. Or, chercher dans la Chinatown, c'était, comme dit précisément le proverbe japonais, vouloir prendre le vent avec un filet. C'était s'élancer à la poursuite de l'impossible, de l'irréalisable. Mais rien ne devait arrêter, dérouter, lasser Paulin Broquet. Peu après, il volait en auto vers la Chinatown. Magnose avec Pip et Ayamaki le suivaient. Paulin Broquet, au demeurant, ne s'était pas trompé dans ses suppositions. Dès le premier moment, il avait deviné qui avait inspiré le coup. Ce qu'il tenait à savoir, c'était qui l'avait exécuté. Les Chinois, s'était-il dit. Les Chinois, des hommes de la Chinatown, des hommes à lui, des hommes sous la direction de Fuzi. La découverte de la boulette cachée dans le morceau de viande destiné à Pip lui fournit la preuve que ses suppositions étaient fondées. Donc il ne courait pas maintenant le risque de perdre son temps en fausse démarche. Il savait où aller, quels étaient les ennemis à combattre et sur quel terrain engager la lutte. Lutte qui devait être, il s'en doutait, terrible. En effet, avant de venir en France, se jeter pour ainsi dire dans la gueule du loup, en se mettant bénévolement à la disposition de la justice, Zigomar, ou si vous le voulez bien, le comte de Saint-Rion, avait, comme vous vous en doutez, et comme nous l'avons déjà plusieurs fois dit, pris des mesures, des dispositions pour que rien de fâcheux ne lui arrivât. Inquiet à juste titre de voir tout à coup Paulin Broquet, qu'il supposait seulement en voyage de lune de miel, s'occuper de lui, il voulait l'avertir d'abandonner la lutte, et il l'avait fait goûter au fidèle Ayamaki les douceurs d'un court passage dans le couloir de l'oubli. Zigomar, ici, sembla méconnaître son adversaire et croire que cet avis devait suffire pour faire entrer Paulin Broquet dans la tranquillité amoureuse dont il ne voulait pas qu'il sortît. Il se trompait. Paulin Broquet continuait ses recherches. Le comte de Saint-Rion, Zigomar, avant de s'en aller, de gagner l'Europe, et ce voyage, il ne pouvait le remettre indéfiniment après son télégramme à cet excellent monsieur Duranton lui annonçant sa venue, Zigomar eut une dernière entrevue avec Fuzi. La conclusion de cet entretien fut celle-ci. Si je sens, en France, le besoin d'occuper ici très sérieusement Paulin Broquet, je t'adresserai un télégramme. Alors tu feras passer dans le couloir de l'oubli soit Paulin Broquet lui-même, soit sa femme. En dernier lieu, si tu ne peux faire autrement, et si tu juges cela plus avantageux, la petite Darling. Une fois arrivé en France, Zigomar, tenu par ses hommes au courant de tout ce qui se passait, vit que les seconds de Paulin Broquet ne se contentaient pas de suivre l'affaire des diamants de la chanteuse Léon Barak et du petit Teuf-Teuf, mais qu'ils avaient des velléités de s'occuper en outre du drame de la tilleuse. Cela pouvait le gêner considérablement, car il prévoyait la prochaine venue de Paulin Broquet en France. Paulin Broquet alors eut reconnu en la personne du comte de Saint-Rion, non pas le comte ingénieur américain, mais l'ingénieux Forban, le génial criminel contre qui il avait entrepris la lutte sans merci. Aussitôt donc, Zigomar lança à Fuzi le télégramme convenu et Fuzi obéit. Comme il ne put s'emparer ni de Paulin Broquet ni de sa femme, il enleva l'enfant, Darling. C'était certes un coup des plus audacieux et qui demanda pour réussir toute l'adresse, toute la souplesse des Chinois. Cela semble invraisemblable quand on y réfléchit, mais non pour qui connaît les Chinois. Bref, maintenant Darling avait disparu et Paulin Broquet se lançait à sa recherche. Arriverait-il à temps pour la sauver? Paulin Broquet, on le conçoit, n'eut plus en tête que cela, sauver Darling. Et il laissa le comte de Saint-Rion tranquille, se réservant de reprendre plus tard la lutte contre le maître invisible, le fantastique Zigomar. Pagnose, en chemin, crut avoir une bonne idée. Il demanda à Miss Seden, « Ne croyez-vous pas qu'il serait bon que quelques fellows, des compagnons de la prairie, vinssent nous aider? Nous n'avons qu'à faire un signe et une bonne troupe de cow-boys, d'indiens, nous arriverons au galop. On embaillera la Chinatown et après quelques coups de revolver, les jeunes nous diront ce qu'ils ont fait de Darling. » Le moyen certainement était énergique, mais ce n'était peut-être pas précisément celui qu'il fallait employer dans la circonstance. Prendre d'assaut la Chinatown avec une bande de cow-boys, ce n'était guère réalisable. Toutefois, Miss Eden, après avoir remercié Pagnose, lui dit qu'il valait mieux suivre les conseils de Paulin Broquet, qui préférait combattre la ruse par la ruse. On verrait ensuite s'il était nécessaire d'employer la force et de faire appel au dévouement des fellow cowboys, des camarades de la prairie. Paulin Broquet comprenait que ses pas étaient maintenant suivis scrupuleusement par les Chinois, par les aides jaunes. Il se doutait qu'il était inutile de se masquer, de se déguiser, de jouer le policier d'Europe avec des adversaires de cette trempe. Il se présenta donc au combat visage découvert, faisant sans détour connaître à ses ennemis qu'il acceptait la bataille et que la lutte était engagée. Toutefois, il ne fit pas arrêter sa voiture à la porte par laquelle généralement il pénétrait dans la ville chinoise. Il descendit plus loin et s'engagea dans la mystérieuse cité par une voie différente qui cependant devait le conduire à la maison au magasin de Fuzzi. « Faites marcher le chien, » dit Paulin Broquet à Pagnose, « qu'il cherche, qu'il sente s'il peut trouver la trace de Darling. » Pagnose tenait Pip en laisse. Depuis qu'il se trouvait dans la ville chinoise, Pip grognait, montrait ses crocs. Il témoignait sa méchante humeur. « Il a flairé le chinois, » dit Pagnose à Paulin Broquet. « Il reconnaît l'odeur de ceux qui ont préparé la boulette qu'il a endormie et déshonorée. Gare au premier qu'il mordra. Pip a une mâchoire de requin. » Maintenant, Pip tirait de toutes ses forces sur la laisse, tournant de temps en temps la tête vers Pagnose, ne comprenant pas que celui-ci le retint. « Ma chère amie, » dit Paulin Broquet à sa femme, « quel calvaire vous montez en ce moment et combien vous devez souffrir ?»« Je ne pense pas à ma douleur, » répondit Miss Eden. « Je ne vois que Darling, mon enfant. » Ayamaki ne suivait pas son maître, n'accompagnait pas son camarade Pagnose. Il marchait de flanc, se perdant dans la foule, écoutant, regardant, étudiant de son côté, cherchant parmi cette masse de gens où le chinois dominait, un indice, épiant les yeux, écoutant les paroles, en quête du signe, du mot qui lui donnerait un renseignement. Pip guettait toujours, grognant sans cesse. Est-il sur la piste? Se demandaient ceux qui le suivaient, ou est-il seulement en colère contre n'importe quel chinois? Il fit cependant faire à son maître et par suite à Paulin Broquet et à sa femme plusieurs détours. Les obligea à passer dans diverses rues, dans plusieurs ruelles. Ayamaki reconnaissait lui ces rues, ce chemin. Il s'arrangea pour se glisser dans le remous de la foule tout près de Paulin Broquet. « C'est, lui dit-il rapidement, le chemin que j'ai suivi dans ma fuite après mon aventure. Nous sommes donc sur la bonne voie. C'est par là que se trouve ma prison. » Il n'osa dire le vivier aux murennes. « Alors nous approchons du but, » fit Paulin Broquet. « À Miss Eden, il dit. » Pip fait de la bonne besogne. Tout à coup, Pip s'arrêta et se mit à hurler fortement, à gratter la terre. C'était devant la muraille en planche d'une ruelle. On s'arrêta. Paulin Broquet repéra la maison, l'étudia. « C'est ma prison, » lui dit vivement le japonais. « Les murennes ?»« Oui, »